Chapitre 2 De la part du curé de Saint-Nizier. Dieu, qu'on était bien cette nuit-là dans la chambre de Jacques! Quel joyeux reflet clair la cheminée envoyait sur notre nappe! Et ce vieux vin cacheté, comme il sentait les violettes! Et ce pâté, quelle belle croûte en or bruni il vous avait! Ah, de ces pâtés-là, on n'en fait plus maintenant! Tu n'en boirais plus jamais de ces vins-là, mon pauvre Essette! De l'autre côté de la table, en face, tout en face de moi, Jacques me versait à boire, et chaque fois que je levais les yeux, je voyais son regard tendre comme celui d'une mère qui me riait doucement. Moi, j'étais si heureux d'être là que j'en avais positivement la fièvre. Je parlais. « Mange donc !» me disait Jacques en me remplissant mon assiette. Mais je parlais toujours et je ne mangeais pas. Alors, pour me faire taire, il se mit à bavarder lui aussi, et me narra longuement, sans perdre haleine, tout ce qu'il avait fait depuis plus d'un an que nous ne nous étions pas vus. « Quand tu fus parti, me disait-il, et les choses les plus tristes, il les contait toujours avec son divin sourire résigné. Quand tu fus parti, la maison devint tout à fait lugubre. Le père ne travaillait plus, il passait tout son temps dans le magasin à jurer contre les révolutionnaires et à me crier que j'étais un âne, ce qui n'avançait pas les affaires. Des billets protestaient tous les matins, des descentes d'huissier tous les deux jours, chaque coup de sonnette nous faisait sauter le cœur. Ah, tu t'en es allé au bon moment. Au bout d'un mois de cette terrible existence, mon père partit pour la Bretagne au compte de la compagnie vinicole et Madame Essette chez l'oncle Baptiste. Je les embarquai tous les deux. Tu penses si j'en ai versé de ces larmes? Derrière eux, tout notre pauvre mobilier fut vendu, oui, mon cher, vendu dans la rue, sous mes yeux, devant notre porte. Et c'est bien pénible, va, de voir son foyer s'en aller ainsi, pièce par pièce. On ne se figure pas combien elles font partie de nous-mêmes, toutes ces choses de bois ou d'étoffe que nous avons dans nos maisons. Tiens, quand on a enlevé l'armoire au linge, tu sais, celle qui a sur ses panneaux des amours roses avec des violons, j'ai eu envie de courir après l'acheteur et de crier bien fort « Arrêtez-le !» Tu comprends ça, n'est-ce pas? De tout notre mobilier, je ne gardais qu'une chaise, un matelas et un balai. Ce balai me fut très utile, tu vas voir. J'installais ces richesses dans un coin de notre maison de la rue Lanterne, dont le loyer était payé encore pour 2 mois, et me voilà, occupant à moi tout seul ce grand appartement nu, froid, sans rideaux. Ma, mon ami, quelle tristesse! Chaque soir, quand je revenais de mon bureau, c'était un nouveau chagrin et comme une surprise de me retrouver seul entre ces 4 murailles. J'allais d'une pièce à l'autre, fermant les portes très fort pour faire du bruit. Quelquefois, il me semblait qu'on m'appelait au magasin et je criais « J'y vais !» Quand j'entrais chez notre mère, je croyais toujours que j'allais la trouver, tricotant tristement dans son fauteuil, près de la fenêtre. Pour comble de malheur, les babarottes reparurent. Ces horribles petites bêtes que nous avions eu tant de peine à combattre en arrivant à Lyon apprirent sans doute votre départ et tentèrent une nouvelle invasion bien plus terrible encore que la première. D'abord, j'essayais de résister. Je passais mes soirées dans la cuisine, ma bougie d'une main, mon balai de l'autre, à me battre comme un lion, mais toujours en pleurant. Malheureusement, j'étais seule, et j'avais beau me multiplier, ce n'était plus comme autant d'anneaux. Du reste, les babarottes, elles aussi, arrivaient en plus grand nombre. Je suis sûre que toutes celles de Lyon, et Dieu sait s'il y en a dans cette grosse ville humide, s'étaient levées en masse pour venir assiéger notre maison. La cuisine en était toute noire, je fus obligée de la leur abandonner. Quelquefois, je les regardais avec terreur par le trou de la serrure. Il y en avait des milliards de mille. Tu crois peut-être que ces maudites bêtes s'en tinrent là? Ah ben oui, tu ne connais pas ces gens du Nord. C'est envahissant comme tout. De la cuisine, malgré portes et serrures, elles passèrent dans la salle à manger où j'avais fait mon lit. Je le transportais dans le magasin, puis dans le salon. Tu ris? Hein? J'aurais voulu t'y voir. De pièce en pièce, les damnées babarottes me poussèrent jusqu'à notre ancienne petite chambre au fond du corridor. Là, elles me laissèrent 2 à 3 jours de répit. Puis un matin, en m'éveillant, j'en aperçus une centaine qui grimpait silencieusement le long de mon balai, pendant qu'un autre corps de troupes se dirigeait en bon ordre vers mon lit. Privé de mes armes, forcé dans mes derniers redans, je n'avais plus qu'à fuir. C'est ce que je fis. J'abandonnais aux babarottes le matelas, la chaise, le balai, et je m'enfus de cette horrible maison de la rue Lanterne pour n'y plus revenir. Je passais encore quelques mois à Lyon, mais bien longs, bien noir, bien larmoyant. À mon bureau, on ne m'appelait plus que Sainte Madeleine. Je n'allais nulle part. Je n'avais pas un ami. Ma seule distraction, c'était tes lettres. Ah, mon Daniel, quelle jolie façon tu as de dire les choses. Je suis sûre que tu pourrais écrire dans les journaux si tu voulais. Ce n'est pas comme moi. Figure-toi qu'à force d'écrire sous la dictée, j'en suis arrivé à être à peu près aussi intelligent qu'une machine à coudre. Impossible de rien trouver par moi-même. Monsieur Hessett avait raison de me dire « Jacques, tu es un âne. Après tout, ce n'est pas si mal d'être un âne. Les ânes sont de braves bêtes, patientes, fortes, laborieuses, le cœur bon et les reins solides. Mais revenons à mon histoire. Dans toutes tes lettres, tu me parlais de la reconstruction du foyer. Grâce à ton éloquence, j'avais comme toi pris feu pour cette grande idée. Malheureusement, ce que je gagnais à Lyon suffisait à peine pour me faire vivre. C'est alors que la pensée me vint de m'embarquer pour Paris. Il me semblait que là, je serais plus à même de venir en aide à la famille et que je trouverais tous les matériaux nécessaires à notre fameuse reconstruction. Mon voyage fut donc décidé. Seulement, je pris mes précautions. Je ne voulais pas tomber dans les rues de Paris comme un pierrot sans plumes. C'est bon pour toi, mon Daniel, il y a des grâces d'État pour les jolis garçons, mais moi, un grand pleurard. J'allais donc demander quelques lettres de recommandation à notre ami le curé de Saint-Nizier. C'est un homme très bien, posé dans le faubourg Saint-Germain. Il me donna deux lettres, l'une pour un comte, l'autre pour un duc. Je me mets bien, comme tu vois. De là, je m'en fus trouver un tailleur qui, sur ma bonne mine, consentit à me faire crédit d'un bel habit noir avec ses dépendances, gilet, pantalon, etc. Je mis mes lettres de recommandation dans mon habit dans une serviette, et me voilà parti avec 3 louis en poche, 35 francs pour mon voyage et 25 pour voir venir. Le lendemain de mon arrivée à Paris, dès 7 heures du matin, j'étais dans les rues, en habit noir et en gants jaunes. Pour ta gouverne, petit Daniel, ce que je faisais là était très ridicule. À 7 heures du matin, à Paris, tous les habits noirs sont couchés ou doivent l'être. Moi, je l'ignorais, et j'étais très fière de promener le mien parmi ces grandes rues en faisant sonner mes escarpins neufs. Je croyais aussi qu'en sortant de bonne heure, j'aurais plus de chances pour rencontrer la fortune. Encore une erreur. La fortune à Paris ne se lève pas matin. Me voilà donc trottant par le faubourg Saint-Germain avec mes lettres de recommandation en poche. J'allais d'abord chez le comte rue de Lille, puis chez le duc rue Saint-Guillaume. Aux deux endroits, je trouvais les gens de service en train de laver les cours et de faire reluire les cuivres des sonnettes. Quand je dis à ces faquins que je venais parler à leur maître de la part du curé de Saint-Nizier, ils me rirent au nez en m'envoyant des seaux d'eau dans les jambes. « Que veux-tu, mon cher ? C'est ma faute aussi. » Il n'y a que les pédicures qui vont chez les gens à cette heure-là. Je me le tins pour dit. Tel que je te connais, toi, je suis sûr qu'à ma place, tu n'aurais jamais osé retourner dans ces maisons et affronter les regards moqueurs de la valetaille. Eh bien, moi, j'y retournais avec aplomb le jour même, dans l'après-midi, et comme le matin, je demandais aux gens de service de m'introduire auprès de leur maître, toujours de la part du curé de Saint-Nizier. Bien m'en prie d'avoir été brave. Ces deux messieurs étaient visibles et je fus tout de suite introduit. Je trouvai deux hommes et deux accueils bien différents. Le comte de la rue de Lille me reçut très froidement. Sa longue figure maigre, sérieuse jusqu'à la solennité, m'intimidait beaucoup et je ne trouvais pas 4 mots à lui dire. Lui, de son côté, me parla à peine. Il regarda la lettre du curé de Saint-Nizier, la mit dans sa poche, me demanda de lui laisser mon adresse et me congédia d'un geste glacial en me disant « Je m'occuperai de vous. Inutile que vous reveniez. Si je trouve quelque chose, je vous écrirai. » Le diable soit de l'homme. Je sortis de chez lui transi jusqu'au moelle. Heureusement, la réception qu'on me fit rue Saint-Guillaume avait de quoi me réchauffer le cœur. J'y trouvai le duc le plus réjoui, le plus épanoui, le plus bedonnant et le plus avenant du monde. Et comme il l'aimait, son cher curé de Saint-Nizier, et comme tout ce qui venait de là serait sûr d'être bien accueilli rue Saint-Guillaume. Ah, le bon homme, le brave duc, nous fûmes amis tout de suite. Il m'offrit une pincée de tabac à la bergamote, me tira le bout de l'oreille et me renvoya avec une tape sur la joue et d'excellentes paroles. Je me charge de votre affaire. Avant peu, j'aurai ce qu'il vous faut. D'ici là, venez me voir aussi souvent que vous voudrez. Je m'en allai ravi. Je passai 2 jours sans y retourner, par discrétion. Le 3e jour seulement, je poussai jusqu'à l'hôtel de la rue Saint-Guillaume. Un grand escogriffe bleu et or me demanda mon nom. Je répondis d'un air suffisant « Dites que c'est de la part du curé de Saint-Nizier. » Il revint au bout d'un moment. « Monsieur le duc est très occupé. Il prie monsieur de l'excuser et de vouloir bien passer un autre jour. » « Tu penses si je l'excusais, ce pauvre duc ?» Le lendemain, je revins à la même heure. Je trouvai le grand escogriffe bleu de la veille perché comme un haras sur le perron. Du plus loin qu'il m'aperçut, il me dit gravement « Monsieur le duc est sorti !»« Ah, très bien, répondis-je, je reviendrai. Dites-lui, je vous prie, que c'est la personne de la part du curé de Saint-Nizier. » Le lendemain, je revins encore, les jours suivants aussi, mais toujours avec le même insuccès. Une fois le duc était au bain, une autre fois à la messe, un jour au jeu de paume, un autre avec du monde. Avec du monde, en voilà une formule. Eh bien, et moi, je ne suis donc pas du monde ? À la fin, je me trouvais si ridicule avec mon éternel « de la part du curé de Saint-Nizier » que je n'osais plus dire de la part de qui je venais. Mais le grand haras bleu du perron ne me laissait jamais partir sans me crier avec une gravité imperturbable. « Monsieur est sans doute la personne qui vient de la part du curé de Saint-Nizier ?» Mais cela faisait beaucoup rire d'autres haras bleus qui flânaient par là dans les cours. Tas de coquins ! Si j'avais pu leur allonger quelques coups de trique de ma part à moi et non de celle du curé de Saint-Nizier ? Il y avait 10 jours environ que j'étais à Paris, lorsqu'un soir, en revenant l'oreille basse d'une de ces visites à la rue Saint-Guillaume, je m'étais juré d'y aller jusqu'à ce qu'on me mît à la porte. Je trouvais chez mon portier une petite lettre. Devine de qui ? Une lettre du comte, mon cher, du comte de la rue de Lille, qui m'engageait à me présenter sans retard chez son ami le marquis d'Acqueville. On demandait un secrétaire. Tu penses ? Quelle joie ! Et aussi quelle leçon ! Cet homme froid et sec sur lequel je comptais si peu, c'était justement lui qui s'occupait de moi, tandis que l'autre, si accueillant, me faisait faire depuis 8 jours le pied de grue sur son perron, exposé ainsi que le curé de Saint-Nizier au rire insolent des haras bleus et or. C'est là la vie, mon cher, et à Paris, on la prend vite. Sans perdre une minute, je courus chez le marquis d'Acqueville. Je trouvai un petit vieux frétillant, sec, tout en air, alerte et gai comme une abeille. Tu verras quel joli type! Une tête d'aristocrate, fine et pâle, des cheveux noirs comme des quilles, et rien qu'un œil. L'autre est mort d'un bon coup d'épée, voilà longtemps. Mais celui qui reste est si brillant, si vivant, si interrogeant, qu'on ne peut pas dire que le marquis est borgne. Il a 2 yeux dans le même œil, voilà tout. Quand j'arrivais devant ce singulier petit vieillard, je commençais à lui débiter quelques banalités de circonstances, mais il m'arrêta net. Pas de phrase, me dit-il. « Je ne les aime pas. Venons au fait, voici. J'ai entrepris d'écrire mes mémoires. Je m'y suis malheureusement pris un peu tard et je n'ai plus de temps à perdre, commençant à me faire très vieux. J'ai calculé qu'en employant tous mes instants, il me fallait encore 3 années de travail pour terminer mon œuvre. J'ai 70 ans, les jambes sont en déroute, mais la tête n'a pas bougé. Je peux donc espérer aller encore 3 ans et mener mes mémoires à bonne fin. Seulement, je n'ai pas une minute de trop. » C'est ce que mon secrétaire n'a pas compris, cet imbécile. Un garçon fort intelligent, ma foi, dont j'étais enchantée. Il s'est mis dans la tête d'être amoureux et de vouloir se marier. Jusque-là, il n'y a pas de mal. Mais voilà-t-il pas que ce matin, mon drôle vient me demander 2 jours de congé pour faire ses noces. Ah bah oui, 2 jours de congé, pas une minute. Mais monsieur le marquis, il n'y a pas de mais monsieur le marquis. Si vous vous en allez 2 jours, vous vous en irez tout à fait. Je m'en vais, monsieur le marquis. Bon voyage. Et voilà mon coquin parti. C'est sur vous, mon cher garçon, que je compte pour le remplacer. Les conditions sont celles-ci. Le secrétaire vient chez moi le matin à 8 heures. Il apporte son déjeuner. Je dicte jusqu'à midi. À midi, le secrétaire déjeune tout seul, car je ne déjeune jamais. Après le déjeuner du secrétaire, qui doit être très court, on se remet à l'ouvrage. Si je sors, le secrétaire m'accompagne. Il a un crayon et du papier. Je dicte toujours, en voiture, à la promenade, en visite, partout. Le soir, le secrétaire dîne avec moi. Après le dîner, nous relisons ce que j'ai dicté dans la journée. Je me couche à 8 heures, et le secrétaire est libre jusqu'au lendemain. Je donne 100 francs par mois et le dîner. Ce n'est pas le Pérou, mais dans 3 ans, les mémoires terminées, il y aura un cadeau, et un cadeau royal, foi de Queville. Ce que je demande, c'est qu'on soit exact, qu'on ne se marie pas, et qu'on sache écrire très vite sous la dictée. Savez-vous écrire sous la dictée ? Oh ! Parfaitement, monsieur le marquis, répondis-je avec une forte envie de rire. C'était si comique, en effet, cet acharnement du destin à me faire écrire sous la dictée toute ma vie. Eh bien alors, mettez-vous là, reprit le marquis. Voici du papier et de l'encre. Nous allons travailler tout de suite. J'en suis au chapitre 24, mes démêlés avec monsieur de Villèle. Écrivez. Et le voilà qui se mit à me dicter d'une petite voix de cigale en sautillant d'un bout de la pièce à l'autre. C'est ainsi, mon Daniel, que je suis entré chez cet original, lequel est au fond un excellent homme. Jusqu'à présent, nous sommes très contents l'un de l'autre. Hier au soir, en apprenant ton arrivée, il a voulu me faire emporter pour toi cette bouteille de vin vieux. On nous en sert une comme cela tous les soirs à notre dîner. C'est te dire si l'on dîne bien. Le matin, par exemple, j'apporte mon déjeuner, et tu rirais de me voir manger mes 2 sous de fromage d'Italie dans une fine assiette de moustier sur une nappe à blason. Ce que le bonhomme, en fait, ce n'est pas par avarice, mais pour éviter à son vieux cuisinier, monsieur Pilois, la fatigue de me préparer mon déjeuner. En somme, la vie que je mène n'est pas désagréable. Les mémoires du marquis sont fort instructifs. J'apprends que monsieur Descazes et monsieur de Villèle ont une foule de choses qui ne peuvent pas manquer de me servir un jour ou l'autre. À 8 heures du soir, je suis libre. Je vais lire les journaux dans un cabinet de lecture, ou bien encore dire bonjour à notre ami Pierrotte. Tu te rappelles l'ami Pierrotte ? Tu sais, Pierrotte des Cévennes, le frère de lait de maman. Aujourd'hui, Pierrotte n'est plus Pierrotte. C'est monsieur Pierrotte comme les 2 bras. Il a un beau magasin de porcelaine au passage du Saumon, et comme il aimait beaucoup madame Essette, j'ai trouvé sa maison ouverte à tout battant. Pendant les soirées d'hiver, c'était une ressource, mais maintenant que te voilà, je ne suis plus en peine pour mes soirées. Dis-toi non plus, n'est-ce pas, frérot ? Ah, Daniel, mon Daniel, que je suis content. Comme nous allons être heureux !